Et maintenant ils sont dans ta caisse. Et démarre la chance dans la tête. Et des matins ça fait mal comme un coup de jambe dans la tête. Et pas pas pas. Les flaques ça pète. Et pas pas pas. Et pas ta paix. C'est pas pas pas. C'est pas la fête. Et pas pas pas. Pas ta tête. What? C'est les bails. Laisse-les parler. C'est tard. Pas te laisser aller. Baisser mal. Pressé de ma marque. Et j'ai mal. Un pas. Il y a un pack de balles. Un pas. Sous un pack de phase. Un pas. Train. On ouvre le bal. Pour un sac de contre la chouette là et t'as pas idée. On se bat dans le bas pour la parité. Je prends pas de l'état, je suis déjà ridé. Je suis un salaud dans le sang, parano dans le sang. Quand on a sans chemin, pète incontrôlable. Je suis un rêve d'enfant, plus la tête dans le banc. Retard devant sa table, autant total. Plus de pute, arrête de parler, plus de pute. Plus de rage, vise le pute, pute. Plus de putain, trappe la pute, pute. Plus de pute, les putains, de façon pute, pute. Eh, c'est qui fait les pailles, les cousses qui fait mes packs. J'ai le dossier pour tout plier, pour crier les packs. J'aime tout niquer des mages, baisse, tout pute, démarre. Écoustique, ou prime, tout crime, grave. Numéro 91, Alpeco 31, ma couche. T'inquiète, on fait ça bien, on veut le bien et on fait ça partout. C'est qui fait les pailles, c'est qui fait les crasses. C'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. Adémo 91, Alpeco 31, ma couche. T'inquiète, on fait ça bien, on veut le bien et on fait ça partout. C'est qui fait les pailles, c'est qui fait les crasses. C'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. C'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. C'est qui va se faire embrocher du coup du haut du crâne. Man, je fais mal, je suis high, malade, je suis. Tu vois, tu fuis, la taille, la calme, je suis. Pego et Adémo, ça vient dans le cosmos. Des phases à plein flow, ça claque dans ta sono. C'est hard et c'est ghetto, ma vibe est toujours clando. On donne ce qu'il faut au toxico. T'écoutes sans faire nos verbos. Car la butte au flow est déconseillée. Consommer à pidos, tu te l'injectes sans seringue dans ton MP3 ou ton arco. Je suis normal, normal, que doit on parle dans la street. Blédard, blédard, fatal, létal. Adémo 91, Alpeco 31, ma couche. T'inquiète, on fait ça bien, on veut le bien et on fait ça partout. C'est qui fait les pailles, c'est qui fait les crasses. C'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. Adémo 91, Alpeco 31, ma couche. T'inquiète, on fait ça bien, on veut le bien et on fait ça partout. C'est qui fait les pailles, c'est qui fait les crasses. C'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. Sono. C'est hard et c'est ghetto. Ma vibe est toujours clando. On donne ce qu'il faut au toxico. T'écoutes sans faire nos verbos. Car la butte au flow est déconseillée. Consommer à pidos, tu te l'injectes sans seringue dans ton MP3 ou ton arco. Je suis normal, normal, que doit on parle dans la street. Blédard, blédard, fatal, létal, non mais vite. Adémo 91, Alpeco 31, ma couche. T'inquiète, on fait ça bien, on veut le bien. Ça partout, c'est qui fait les pailles, c'est qui fait les crasses, c'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. Adémo 91, Alpeco 31, ma couche. T'inquiète, on fait ça bien, on veut le bien et on fait ça partout. C'est qui fait les pailles, c'est qui fait les crasses, c'est qui fait très mal, c'est qui mérite des baves. C'est qui fait les crasses, c'est qui fait très mal, c'est qui...